7, 5, observation, prononciation, et est. Écoutez. Je préfère ça. Il y a deux syllabes dans préfère. Pré-faire. La voyelle de la première syllabe est différente de la voyelle de la deuxième syllabe. La voyelle de la première syllabe est fermée. La langue est plus haute et donc l'espace intérieur de la bouche est plus petit. La voyelle de la deuxième syllabe est ouverte. La langue est plus basse et donc l'espace intérieur de la bouche est plus grand. La première syllabe est ouverte, elle se termine par une voyelle. Et la deuxième syllabe est fermée, elle se termine par une consonne. Notez que la voyelle ouverte se trouve dans la syllabe fermée. C'est amusant, non ? Notez que la voyelle fermée est représentée ici par E, accent aigu. Et la voyelle ouverte est représentée par E, accent grave. Mais il y a d'autres graphies pour ces deux voyelles. Par exemple, la voyelle ouverte peut être représentée par E, accent circonflexe, comme dans être. Ou bien elle peut être représentée par E plus RT, comme dans Uber. Ou bien elle peut être représentée par AIS comme dans épais, ou bien AIT comme dans portrait, etc.